cœur glacé, suivre ton nom, en toi me glisser. Tu me rencontres, je garde en mémoire tous les mensonges et cet soir. J'entends ta voix, c'est pas facile d'imaginer là. D'offrir alors.